ça se situe? Je crois que oui, il y a un rapport entre l'incertitude et l'insécurité. Comme je vous disais avant qu'on vienne ici, le fait qu'on soit incertain du thème, ça nous rend insécure. Hein? Alors, il y a un lien, c'est sûr, entre les deux. Et je pense que j'ai pas a priori d'informations très précises à véhiculer autour de ce sujet-là, qui est encore un sujet relativement d'improvisation que nous propose le relationniste du Centre d'universalité, M. Mario Gosselin. Mais je crois qu'on peut être fidèle à la méthode qu'on a toujours utilisée, c'est-à-dire une méthode génétique. Et regarder le problème de l'insécurité ou de l'incertitude d'un point de vue du développement de la psychologie de l'homme. Je crois que c'est toujours plus simple de prendre un exemple très concret, comme le développement d'un individu, d'un être humain, de la manière dont nous en parle la psychologie moderne ou les différents courants psychologiques. Et ça nous donne une approximation génétique de la cause ou de l'origine ou de ce qu'est le problème que l'on veut étudier. Bon. Alors, si on regarde le développement d'un individu, on se rend compte d'une chose très intéressante. C'est que l'individu, au début de sa vie, bon, l'enfant, a une certaine insécurité et une certaine incertitude. Cette insécurité, comment fait-il pour la combattre ou la dépasser? Il utilise un mécanisme qui est celui de la confiance en une autre personne qu'il reconnaît comme étant un certain point de référence, une certaine certitude. Alors, il met toute sa confiance chez ses parents. Il transpose sa confiance chez ses parents, de telle sorte que l'enfant, si vous le privez de ses parents, va devenir incertain de sa situation et très insécure. Lorsqu'il est avec ses parents, il retrouve une certaine forme de sérénité. Donc, on peut voir un premier niveau d'insécurité et d'incertitude en regardant le développement d'un individu, c'est cette incertitude et cette insécurité de l'enfant. Peu à peu, on se rend compte cependant que on ne pourra plus dépasser l'insécurité et l'incertitude par une simple confiance aux parents. Bon, il y aura la confiance aux parents, la confiance en la personne qui le garde à la garderie, s'il est à la garderie. Ensuite, la confiance dans ses professeurs. Hein, ma maîtresse me l'a dit. Bon. Et puis ensuite, une espèce de déplacement de la situation et l'enfant va perdre confiance. Et il va trouver une certaine zone dans son développement au niveau de l'adolescence où il y aura une insécurité, où il y aura aussi une certaine forme d'incertitude qu'il pourra combler par des échappatoires multiples hein, qu'on trouve au niveau de la drogue, ou au niveau de la découverte de la sexualité ou d'autres choses comme celle-là. Alors, il va essayer d'échapper à cette incertitude, à cette insécurité qu'il a dans le monde, jusqu'à ce qu'il atteigne l'état adulte où là, il va, dans le développement normal, j'entends d'un individu, atteindre une certaine sécurité et une certaine certitude. Comment? Par l'expérience. Ce ne sera plus par la confiance qu'il va porter à ses parents ou à quelqu'un à l'extérieur, mais par sa propre expérience qui lui a amené cette sécurité. Et puis, cet individu va continuer sa vie d'adulte et tranquillement va devenir une personne plus âgée. Et dans la plupart des cas, on se rend compte d'une chose très intéressante aussi, c'est que les personnes âgées retournent à l'insécurité qu'ils avaient lorsqu'ils étaient enfants et à une certaine incertitude. Ginette Renaud, qui peut être cataloguée de chanteuse quétaine ou de chanteuse de ci ou de ça. Ginette Renaud, qui est une femme très importante au Québec, qui maintient un égrégore au niveau astral qui est très important, ces jours-ci, j'ai entendu à la radio, une chanson où elle dit « de plus en plus fragile, de plus en plus blessée ». Et elle parle d'un couple qui a vieilli et de la femme qui, lorsque son mari entre tard le soir, est incertaine. Hein? Et lorsqu'il y a un bruit dans l'escalier, dit-elle dans sa chanson, elle se cache sous son oreiller, elle a peur des bruits. Et puis lorsque son mari enfin arrive au bout de la soirée, elle est incertaine, elle a peur qu'il ait eu un rendez-vous avec une autre femme, etc. Ils s'engueulent. Et puis le lendemain matin, le mari s'en va au travail. Et puis les deux sont désolés, les deux sont tristes. Bon. Alors, cette chanson est très forte parce qu'elle explique justement ce mécanisme d'incertitude qui revient à un âge un peu plus avancé. J'ai eu le plaisir de connaître une femme qui a été au Québec une dame de fer, qui a été une femme qui, comme très souvent c'est le cas, a exercé le pouvoir, mais dans l'ombre. C'était Mademoiselle Auréa Cloutier, qui était la secrétaire de l'honorable Maurice Duplessis, alors, qui est un premier ministre très rigoureux, hein, presque dictateur, certains ont dit, ici au Québec. Et elle, elle était derrière. Elle a été secrétaire durant toute sa carrière politique. Elle l'a suivi, elle l'a conseillé. Et en fait, ce qui n'est pas toujours connu dans l'histoire, elle a mené le Québec lorsque Maurice Duplessis était au pouvoir. Et cette femme était donc une femme très sécure, très certaine. Alors, je l'ai connue, elle avait à peu près 75 ans. Et elle était encore une femme de tête. Et progressivement, jusqu'à son décès récent, vers l'âge de 86 ou 87 ans, elle a tranquillement, les dernières années de sa vie, tombé dans une très profonde incertitude et une très profonde insécurité, de telle sorte qu'elle craignait toujours d'être volée. Hein? Elle avait une collection extraordinaire de peintures. On allait chez elle, il y avait des ciseaux côtés ici et là. Bon, c'était des peintures absolument extraordinaires. Bon, elle avait peur d'être volée. Elle avait peur un peu de tout. Hein? Elle vérifiait trois fois sa porte, si elle était bien barrée, des choses comme ça. Alors, on voit que même une femme, et ça me fascinait, et puis je trouvais ça très étrange, qu'une femme qui était si certaine d'elle-même, qui ait mené véritablement le Québec très fort, de manière, avec beaucoup de poigne, devienne comme ça une personne très, très insécure. Bon. Le fait de regarder la genèse psychologique de ce phénomène, ça nous permet d'identifier deux raisons, ou deux causes occultes à l'insécurité et à l'incertitude. Bon. Et deux manières de dépasser l'insécurité et de dépasser l'incertitude. La première méthode, elle nous est présentée, elle nous est enseignée presque par celle de l'enfant. C'est la confiance. Développer la confiance en un autre d'abord, pour ensuite la développer en soi-même, sera donc une première méthode. La deuxième, c'est la connaissance. Et c'est comme ça que l'adulte va se libérer de l'insécurité, c'est par l'acquisition de la connaissance. C'est-à-dire qu'en voyant le monde, en se rendant compte que le monde fonctionne de telle et telle manière, que face à telle et telle situation, les choses vont se passer selon des schémas qu'il commence à connaître, qu'il commence à comprendre, à appréhender, eh bien, il va tranquillement gagner de sa sécurité. Donc, l'incertitude et l'insécurité seraient, d'une certaine manière, un manque de confiance et de connaissance. Ce qui nous permet d'analyser donc ces deux voies de dépassement, la première, c'est la voie mystique. Bon. La voie mystique, c'est la voie de la confiance, c'est la voie de la foi, c'est la voie de l'enfant. Lorsque dans les textes évangéliques de la spiritualité, puisque la voie mystique, c'est la voie, disons, spirituelle, le Nazaréen dit « vous devez redevenir comme des enfants », bon, il y a un sens très profond à ça. Vous devez donc, pour reconquérir cette certitude intérieure absolue, avoir cette foi de l'enfant, cette confiance en quelque chose à l'extérieur. Tout à l'heure, on identifiera qu'est-ce que ça pourrait être, ce quelque chose. Alors ça, c'est la voie mystique, c'est la voie des fils de Marie. Et il y a la voie scientifique. La voie scientifique, c'est l'élaboration d'une science ou l'élaboration d'une gnose qui est basée sur une expérimentation de la vie. Alors, vous expérimentez dans la vie des choses, et à partir de cette expérimentation, vous en tirez des lois générales, vous en tirez des principes d'action dans votre vie, et puis vous appliquez ces principes. Bon. Et là, vous perdez l'insécurité. J'ai une sœur un peu plus jeune que moi, et l'an dernier, elle a commencé, en tant qu'étudiante, à travailler l'été, bon, pour ramasser de l'argent, et elle travaillait à la banque. Les deux premières semaines où elle est allée à la banque, et surtout les premiers jours, elle était très, très insécure, très nerveuse. Puis elle revenait de la banque. Elle était sur un stress énorme, donc elle était épuisée, totalement épuisée. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas comment on travaillait à la banque. Elle ne savait pas comment répondre aux clients, ne savait pas comment agir à la caisse, ne savait pas comment aller ouvrir les coffrets de sûreté. Bon, alors elle était très insécure. Maintenant, cette année, elle est encore à la banque, et puis elle y va sans aucune insécurité. Elle est mille fois moins fatiguée le soir, hein, parce que c'est quelque chose qu'elle connaît. Donc, il y a cette voie de la connaissance, cette voie de la science, cette voie de la gnose, qui est la voie de Marthe, qui est la voie qui est la plus suivie actuellement pour échapper à cette insécurité. Le problème, cependant, c'est qu'il y a cette vieillesse. Cette vieillesse qu'on a identifiée tout à l'heure, savoir qu'on ne demeure pas éternellement un enfant et un adulte, et on vit ce processus de vieillissement. Je ne parle pas d'un processus de vieillissement extérieur, exotérique, je parle d'un processus de vieillissement au niveau de la psychologie, des structures psychologiques internes, qui fait que, de manière occulte, si vous voulez, on retourne vers l'insécurité. Lorsqu'on suit la voie scientifique, il y a un danger. La voie de Marthe, il y a un danger, c'est d'oublier que, par cette gnose, par cette connaissance qu'on acquiert sur le monde, on peut tranquillement éliminer de sa vie, si vous voulez, l'élément le plus primordial, le plus important. On peut oublier l'intelligence universelle, ce que j'appellerais l'intelligence universelle. C'est-à-dire, le principe universel qui anime toute réalité. On peut, par la science qui est analytique, par la connaissance qui est analytique, et d'ailleurs par la confiance, on peut faire la même chose, porter notre confiance, mettre toute notre confiance ou mettre toute notre conscience scientifique sur des objets très, très limités. Et oublier que ces objets limités ne sont qu'une facette de l'intelligence universelle. Et si on fait cela, on arrive progressivement à cet état de vieillesse. C'est-à-dire que, comme la femme dans la chanson de Ginette Renault, on voit dans le monde des choses qui se passent et qui ne sont pas selon les principes auxquels on avait adhéré. On voit, bon, cette femme voit, par exemple, au cours de ses 40 ans de mariage, les maris de ses amis qui ont eu des aventures, qui ont eu ci, qui ont eu ça. Ouais. Or, elle met sa connaissance et elle met sa... Et elle altère ainsi sa confiance en des cas précis. Le mari de ma meilleure amie, qui semblait tout à fait correct, hein, part tout à coup avec une autre. Alors, oubliant l'intelligence universelle, elle fixe son idée sur des particularités, des cas concrets, tout à fait limités, et puis, par cette connaissance, cette expérimentation de la vie, elle en vient à perdre la foi, la confiance, elle en vient à perdre ce qui, dans la connaissance, lui permettait de dépasser l'insécurité, et elle retombe dans l'insécurité. Autrement dit, dans l'expérimentation de la vie, il y a un danger. Et ce danger, qui donc entraîne l'homme vers l'incertitude et l'insécurité, c'est de s'attacher à des facettes limitées de la réalité. Et la façon de le dépasser, c'est d'avoir une confiance, mais une confiance en quelque chose de transcendant, que la mystique ancienne appelait, et la mystique nouvelle appelle toujours, la foi. C'est d'avoir une science du transcendant, c'est-à-dire une science qui est comme une naissance, est une connaissance, est une science de l'universel, hein? Par l'universel, avec l'universel et en l'universel. C'est-à-dire une science qui serait, si vous voulez, ontologique. Non pas une science des apparences, non pas une science des choses qui, sur le plan externe, sur le plan limité, pourraient nous faire croire que le monde est laid, qu'il y a des difficultés ici et là. Non, une science intégrale qui va à l'essence de la chose et qui ne s'intéresse pas tellement, je vous donnerai des exemples tout à l'heure, à la forme extérieure, comme vraiment à ce qui anime cette forme. Autrement dit, pour en arriver à se libérer d'insécurité, il faut se libérer de cette espèce d'attraction à la forme. Il faut, d'une certaine manière, dépasser, si vous voulez, la forme. Bon. Et avoir confiance en cette intelligence universelle. Bon. Lorsque je suis allé en Europe, le dernier voyage, j'ai rencontré une personne dont je parle assez rarement, que j'appelle un de mes instructeurs, vous direz pourquoi, et qui m'a chargé de venir au Canada transmettre une certaine gnose qui m'a transmis par initiation. Et cet homme a eu confiance en ce que je faisais, et j'ai eu confiance également en lui. Mais ce n'est pas une confiance en un homme. C'est pourquoi je l'ai jamais nommé par son nom. Parce que pour moi, ce n'est pas d'avoir confiance en cet homme charnel, extérieur, physique, qui a une personnalité, qui a des idées qui parfois peuvent être assez différentes des miennes, qui pourraient même être des cas de dissonance, mais j'ai une confiance en l'intelligence universelle qui se trouve chez lui. Et c'est pourquoi je l'appelle l'un de mes instructeurs. C'est pourquoi dans les principes d'éducation, je dis souvent à des gens qu'il vaut mieux que l'enfant appelle son père ou sa mère du nom de papa, de maman, que du prénom. Parce que ce n'est pas une confiance en la personnalité que le prénom décrit, mais c'est une confiance en l'intelligence universelle qui est présente en cet individu et qui est en fait la fonction de cet individu, beaucoup plus que l'individu lui-même. Hein? Et tous les occultistes du passé ont fait la même chose. Max Handel, lorsqu'il est revenu en Amérique, il n'a jamais donné le nom de son instructeur. On pense que c'est pour faire des cachotteries. Pas pour faire des cachotteries, c'est que le nom de son instructeur n'avait aucune importance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cet instructeur est mort depuis belle lurette, et l'association continue toujours de parler, les membres continuent toujours d'écrire leurs lettres annuelles à l'instructeur. Alors, c'est devenu une fonction, c'est devenu un archétype, c'est devenu une force universelle, plutôt qu'une force individualisée. Bon, eh bien, c'est dans cette voie-là, je crois qu'on peut faire un travail qui sera très important, dans le sens où, à la fois la confiance en l'autre, en soi-même, et la gnose pourront permettre, si vous voulez, d'aller au-delà de cette insécurité et de ne pas se laisser illusionné par des apparences, par des formes qui seraient extérieures. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la foi, de la croyance en des gens, ça semble dépassé. Pourquoi? Parce que l'homme n'a jamais eu la foi. L'humanité n'a jamais eu la foi. Il a mis sa foi dans des formes extérieures. Mais il n'a jamais mis sa foi dans l'incréé. Il a mis sa foi dans des personnalités. Et puis là, il a eu l'expérimentation de la vie. L'expérimentation de la vie lui a montré que sa mère, hein, elle se trompait parfois. Et ça, ça l'a déçu. Que son père, il se trompait des fois, qu'il était partisan, puis bon, hein, qu'il était pas parfait. Que son curé, hein, il se trompait parfois, puis parfois il volait la quête du dimanche, ainsi de suite. Hein. Moi, lorsque j'ai cessé de pratiquer, parce que j'ai eu une phase de rejet de l'Église, comme beaucoup de gens, eh bien, ma mère me disait toujours, hein, puisqu'elle était très pratiquante, elle est toujours très pratiquante, elle me disait, on ne va pas à la messe pour le curé. Moi, ça ne fonctionnait pas avec moi, parce que je n'avais pas réussi à faire une dissociation entre la forme et puis cet incréé, cet universel qui se manifeste. On me disait, on ne va pas à la messe pour le curé, mais c'est le curé qui est là. Hein? Puis ce curé-là est incompétent, puis il ne connaît rien à l'ésotérisme, puis il ne sait pas qu'on se réincarne, etc. Alors, ça, j'avais horreur de ça. C'est gens ignorants, parce que je prenais la forme extérieure pour l'énergie interne. Mais on est tous comme ça. Regardez le cas de Jean Miguère, le contacté, hein, en 69, comme d'autres. Eh bien, Jean Miguère n'est pas incertain concernant l'avenir de l'humanité. Puisque lui, lors de son contact, bon, vous savez, il a eu un contact face à face avec une autre automobile, bon, il a été blessé, et puis là, il a rencontré des extraterrestres. Et ces extraterrestres lui ont dit, il était habillé couleur kaki. Ils se sont présentés comme la police de l'espace, très, très semblable à une police terrestre, d'ailleurs. Et puis, ils lui ont dit, je dis ça en souriant, mais ça ne veut pas dire que c'est drôle, ils lui ont dit que, pour ce qui est des conflits nucléaires, il n'y avait aucun danger. Que les manettes de contrôle des armes nucléaires étaient déjà entre leurs mains. Or, Jean Miguère, et ensuite a fait son apostolat, il est né au Québec, il est allé un peu partout, puis il a dit, écoutez, il n'y a pas de danger pour un conflit nucléaire futur, parce que la police de l'espace, les extraterrestres m'ont dit qu'ils avaient le contrôle des manettes de pouvoir et puis que ça n'arriverait pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait comme tous les hommes ont fait jusqu'à ce jour. Il a personnalisé une intelligence universelle, une force incréée. Il l'a personnalisé parce qu'il est incapable d'accorder sa foi à quelque chose qu'il ne voit pas. Heureux celui qui croira sans avoir vu. Alors, il prend une personnalisation qu'il peut voir, qu'il peut analyser, qui est limitée, puis il met sa confiance en ça. Il transpose sa confiance en cette police de l'espace. Jusqu'à ce que cette police de l'espace fasse une erreur, et puis là, ils se disent, ben, peut-être que ce ne sont pas parfaits, etc. Mais quand même, il se sert de ce mécanisme de la confiance pour échapper à ce problème, pour échapper à ce danger, et pour échapper à cette incertitude. Par contre, il y a ce danger en même temps qui est celui de mettre une confiance, encore une fois, en une forme extérieure, qui peut-être est, comme la chanson de Charlebois, un froc bien ordinaire. Hein? Hein? Des fois, j'aurais goût de plus rien faire, je fumerais du pot, je boirais de la bière, hein, dit Charlebois. Eh bien, parfois, justement, ces espèces d'idoles qui sont faites, ils sont des êtres bien ordinaires. Ils incarnent, ils manifestent un principe universel, mais c'est dans ce principe universel qu'il faut, si on veut, porter cette confiance. Autrement dit, avant que je vous laisse poser vos questions, autrement dit, si on veut résumer la situation, on comprend que ce phénomène d'incertitude est lié à un manque de confiance et à un manque de connaissance, un manque de gnose. Donc, il faut développer en soi cette confiance, cette foi en l'humanité d'abord, en soi ensuite, dans l'autre qui représente une autorité, s'il y a quelqu'un qui représente l'autorité, développer cette confiance et cette foi, surtout dans quelque chose d'universel, ne peut pas être atteint. Je vous en avais déjà parlé lorsque je vous ai dit, pour atteindre le bonheur, il ne faut pas mettre toute son attention sur des choses que l'on peut perdre. Ça, c'est Freud qui disait ça à la suite de Saint-Augustin, mais dans quelque chose qu'on ne peut pas perdre. Quelque chose d'intérieur, quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. De la même manière, pour échapper à l'insécurité, il faut mettre cette confiance en quelque chose qui ne peut pas être altéré, qui serait cette intelligence, si on veut, universelle. Et il faut ensuite développer la science, parce que c'est normal qu'un homme ne soit pas uniquement un mystique, mais qu'il soit également un scientifique, quelqu'un qui est dépositaire d'une gnose, d'une connaissance, qui est en mesure de pouvoir prévoir certains événements et avoir une connaissance qui lui soit de nature pragmatique, qui puisse réaliser des choses. Toutefois, en n'élaborant pas une science qui serait des apparences, mais une science ontologique, Sinon, la science, comme l'avait dit un auteur dont je n'ai pas le nom, le savoir a toujours une action corrosive sur la croyance. Mais aujourd'hui, au 20e siècle, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, au 20e siècle, on plonge les masses dans l'insécurité. Et c'est voulu. C'est ça, la conspiration cosmique. Hein? On plonge les masses dans l'insécurité en leur enlevant quoi? En leur enlevant ce principe de la foi et de la confiance, en leur disant « Mais regardez ce en quoi vous avez cru, regardez comment ça dégringole. Hein? » On les projette sur l'extérieur, on leur dit on essaie de leur faire croire qu'ils ont cru à des pures extériorités, alors que c'était un rapport, finalement, interne avec leur propre dimension d'esprit, avec leur propre dimension d'intelligence. Et ensuite, on leur montre les faiblesses et les déboires de la science, qui est aussi l'autre moyen de s'en sortir. Alors, on rend les gens totalement insécures, et ensuite, on les plonge dans la vie, dans le monde, et puis, on attend quoi? On attend que, dans une crise profonde d'insécurité et d'incertitude, où la personne ne fait que se poser des questions, eh bien, qu'elle aille vers le premier qui va lui répondre n'importe quoi, hein? Et puis là, on a le contrôle des individus. Parce qu'on peut avoir un contrôle parfait, comme on pourrait avoir un contrôle de l'enfant, comme on pourrait avoir un contrôle de la personne âgée, lorsqu'elle est insécure. Parce que lorsqu'elle est insécure, elle est prête à s'en remettre entre les mains de n'importe qui. Alors, je crois en une libération de l'insécurité, je crois en un dépassement de l'incertitude, hein, qui est instantané, qui est ce contact avec l'intelligence universelle, mais je ne crois pas cependant que cela puisse se faire sans un apprentissage, qui lui est gradué. C'est-à-dire cet apprentissage que l'enfant lui-même vit à l'intérieur d'une première relation qui est une relation de confiance, d'une seconde relation qui est une relation d'expérimentation de la vie. Et alors là, c'est là qu'il faut mettre le point d'insistance et l'éducation. Attention, cette expérimentation de la vie n'est qu'un apprentissage et un moyen et des échelons pour rencontrer en soi cette intelligence universelle. Méfiez-vous des apparences. Hein? Méfiez-vous des formes, si vous voulez, et allez vers ce que ces formes et ces apparences veulent signifier. Et c'est là qu'on découvre une science qui est beaucoup plus puissante que les sciences des apparences qu'on connaît aujourd'hui, qui est une science de l'ontologie, comme on connaissait chez les anciens philosophes grecs, comme on connaît toujours dans certaines écoles hermétiques, où on ne s'intéresse pas tellement aux apparences des choses, à tel et tel type d'espèces de plantes ou d'animaux ou d'êtres humains, mais on s'intéresse à des grands principes archétypaux, hein, comme l'arbre de vie, par exemple, de la Kabbale. Et puis, avec l'arbre de vie de la Kabbale, avec les quatre plans kabbalistiques, eh bien, on peut, par des données qui sont comme ça, si on veut, transcendantes par rapport aux différents aspects de la réalité, on peut interpréter tous ces aspects de la réalité, on peut leur donner une cohésion, on peut leur donner une unité, on peut leur donner un télos, c'est-à-dire une direction, et puis avec ce type d'outils, on ne peut plus être insécure. Un homme qui a la connaissance, et elle passe nécessairement par une connaissance de tradition humaine à un premier niveau, il ne peut pas être insécure, et il ne peut pas être incertain. Il peut être incertain tant qu'il fonctionne sur le plan uniquement de l'extériorité et qu'il va se dire, comme je le mentionnais la semaine dernière, oui, ça fait 100 millions de tests ou de reprises de l'expérience que je fais, mais tout à coup que la prochaine montrerait le contraire, démontrerait la fausseté de mon hypothèse. Ça, c'est terrible de vivre là-dessus. Parce que là, vous êtes dans une incertitude profonde. Et regardez que la science a développé, au cours de ces dernières années, ce qu'on appelle le principe d'incertitude. La science est fondée sur le principe d'incertitude, parce que la science est fondée sur une expérimentation des apparences. Alors que la gnose libératrice, c'est-à-dire la connaissance universelle, n'est pas fondée sur une expérimentation des apparences, mais sur un contact interne avec ce que j'appelle l'intelligence universelle ce soir, ce que j'appellerais, si j'étais à Sherbrooke, Dieu. Hein? Alors, évidemment, on prend les mots qu'on veut. Moi, ça ne me fatigue pas de changer de vocabulaire. Alors, mais c'est cette espèce de fusion avec cette intelligence universelle qui peut permettre à l'homme de dépasser l'insécurité et l'incertitude. Donc, on comprend à travers de tout ce discours qu'il faut s'identifier à ce qui est stable en nous, se brancher sur de la permanence, avoir un axe immuable que vous appelez l'intelligence universelle. Donc, on a compris pourquoi. Maintenant, il nous reste à comprendre comment. C'est pas facile parce que ça dépend de l'individu. Il y a des individus qui vont fonctionner uniquement par la confiance, c'est-à-dire qu'ils vont expérimenter l'expérience de la confiance. Et ils vont l'expérimenter jusqu'au bout, c'est-à-dire dans une obéissance totale. Ils vont se faire moines, ils vont se faire... Bon. Et puis, ils vont obéir à leur supérieur. Et c'est dans cette obéissance à leur supérieur qu'ils vont vivre l'expérience transcendante de la liberté et qu'ils vont dépasser totalement leur incertitude de est-ce qu'ils sont sur la voie, est-ce qu'ils vont vers la lumière, est-ce qu'ils sont des êtres condamnés à la disparition ou alors à une évolution, à une expansion, à un paradis ou des choses comme ça. Ils vont trouver un salut à leur profonde anxiété par cette expérience totalement axée sur la croyance. Alors, c'est une voie qui est très simple pour ceux qui sont dans cette dimension. Pour les autres, ça paraît fable, obscurité, illusion, etc. Il y a ceux qui vont aller par la science. Alors, le comment se libérer de cette insécurité, bien, ça va être par la recherche scientifique. On peut pas faire autrement. Moi, ce que je propose, c'est une recherche scientifique dans le courant gnostique, c'est-à-dire dans le courant de cette connaissance universelle et éternelle qui est immuable au cours des siècles et qui assure justement cette permanence dans le savoir humain et qui permet d'avoir un regard toujours universel sur les choses. J'essayais très souvent, puis c'est bien, de me ramener sur Terre à des réalités très limitées, très concrètes, un problème. Et puis, par contre, moi, j'ai la propension vers l'universalité, c'est-à-dire rendre un problème qui apparaît très, très concret et très limité, le rendre à une dimension universelle, parce que je suis un gnostique et que pour moi, le savoir ne peut pas s'appliquer à un cas précis. C'est-à-dire que pour moi, ce verre-là, il ne m'intéresse pas. Parler des verres, ça m'intéresse. Hein? Le verre universel m'intéresse. Le verre individuel ne m'intéresse pas du tout. Parce que parler de ce verre-là, vous pouvez en parler pendant des siècles de ce verre-là. D'ailleurs, il y a des philosophes qui en ont eu la nausée, qui ont perdu complètement la conscience par le fait qu'ils n'arrivaient pas à décrire totalement bon, ce verre-là. Moi, je n'ai pas la nausée face au verre. Hein? Et ce verre-là, pour moi, n'est qu'une approximation de ce qu'est un verre. Je suis très platonicien là-dessus, c'est-à-dire que pour moi, le verre, c'est un concept, c'est une intelligence universelle, et ça, c'est une approximation plus ou moins ratée, plus ou moins réussie de ce qu'est un verre. Alors, je n'irai pas analyser et étudier un verre en me portant là-dessus, parce que je vais dire, par exemple, un verre, c'est transparent. Et puis, dans deux semaines, il y a quelqu'un qui va arriver et puis qui va m'apporter un verre bleu qui est complètement opaque. Puis, il va me dire, « Mais tu as dit, il y a deux semaines, que les verres, c'était transparent. » Alors là, il va arriver avec un verre bleu. Donc, il y a celui aussi qui n'est ni philosophe, ni ésotériste, ni gnostique, qui prend le verre et qui le boit. Ah, ça, c'est la dimension pragmatique. La dimension pragmatique, mais vous pouvez devenir insécure si vous n'avez pas la connaissance du verre. Parce que là, vous allez vous dire, là, j'ai un verre pour boire. Hein? Mais demain matin, est-ce que j'aurai un verre pour boire? Hein? Est-ce que j'aurai de la nourriture demain matin pour manger? Mais si vous savez, si vous avez confiance en l'intelligence universelle, si vous savez que l'intelligence universelle est un aspect de votre propre esprit, hein? Et qu'un verre, lorsque vous en avez besoin, il vient, il se manifeste. Vous avez donc la connaissance de ce qu'est un verre, vous savez ce qu'est le concept du verre, vous avez même la connaissance nécessaire qui va vous permettre éventuellement, si vous n'en avez pas un, de vous en matérialiser un. Et puis, vous savez d'autre part que l'intelligence universelle est parfaite. Et que si vous êtes dans une certaine situation dans votre vie qui semble désespérée, si vous croyez que tout est en train de s'effondrer autour de vous, si vous avez cette confiance, cette foi qui transporte les montagnes, avait dit le Nazaréen, si vous avez cette confiance, eh bien, vous savez que ce qu'on appelait la providence, cette intelligence universelle, va remplir ses obligations et va constituer ce dont vous avez besoin, alors votre verre. Mais si pour vous, un verre, c'est cet individu, c'est cette réalité tangible, eh bien, à un moment donné, on a quelqu'un qui peut passer à côté de la table puis vous le casser. Là, vous n'avez plus de verre, vous êtes paniqué. Si vous savez que le verre, au contraire, c'est un concept universel, personne ne va vous l'enlever. Alors, dans la pragmatique, évidemment, il faut être un peu pragmatique, sinon ça ne va pas du tout. Mais pour avoir confiance dans cette intelligence universelle, il faut d'abord la connaître, ou au moins la reconnaître en soi. faut la reconnaître pour ensuite établir un contact et peut-être s'y identifier de façon absolue. Maintenant, comment se fait cette reconnaissance? Faut la voir, soit faut y avoir goûté ou y avoir été éprouvé. Bon, il y a encore deux moyens. Alors, je vais toujours reprendre les deux mêmes schémas. Je suis conditionné à ça. Il y a le moyen mystique. Alors, tout à coup, vous avez une grâce, et puis vous savez que l'intelligence universelle est là. Bon, puis il y a le moyen plus commun, qui est le moyen que la plupart d'entre nous vivons, par l'expérimentation. Et alors, l'expérimentation de l'intelligence universelle, elle se fait pas, je vous le disais tout à l'heure, de manière instantanée, mais de manière gratuite. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens maintenant, dans des écoles de conscientisation ou ésotérique ou ainsi de suite, pensent que on peut arriver tout à coup, à un moment donné, à cette certitude absolue intérieure, à cette espèce de sécurité très profonde, parce qu'on a rencontré cette intelligence universelle, parce qu'on a ressenti l'effet de cette intelligence universelle, comme ça dans l'abstrait, par une expérience que tout à fait hors du temps. Mais est-ce qu'on peut l'apercevoir de façon concrète? C'est uniquement de façon concrète qu'on peut l'apercevoir. Et c'est là qu'il faut s'éduquer, qu'il faut s'entraîner à reconnaître dans tous les aspects extérieurs limités la présence de cette universalité. C'est-à-dire, il faut reconnaître dans l'individu ce principe universel. Comment on peut le faire? Le plus facilement, c'est par la mort. C'est un individu qui a la reconnaissance des gens, puis qui est vraiment, vraiment quelque chose de très présent, de très réel. Bon. Mais avez-vous déjà remarqué que lorsque cet individu-là meurt, il passe de la nature individuelle à la nature universelle. Et alors là, il donne reconnaissance de tous. Hein? Il va avoir plus de visites que lorsqu'il était vivant. Hein? Bon, c'est seulement un exemple, mais il va perdurer. Cet individu va perdurer dans la conscience des gens, même va devenir meilleur, très, très souvent. Et vous, il va passer d'un schéma limité personnel à un schéma illimité universel. Il va prendre une dimension d'universalité de par le fait qu'il est libéré de cette coque charnelle. Mais de la même manière, chaque réalité qui se produit près de nous, chaque événement qui arrive, ce sont des événements qui ne sont que des imitations, des faibles et des pâles imitations de l'intelligence universelle, mais il faut savoir déceler cette chose-là. C'est pourquoi les sciences traditionnelles sont très intéressantes parce qu'elles fonctionnent par analogie, elles fonctionnent par comparaison, elles reconnaissent un même schéma ou un même principe, une même grille, vous direz des analystes de sciences humaines, une même grille de mécanismes à plusieurs niveaux. Alors, ils vont reconnaître le système solaire comme étant des planètes qui tournent autour d'un point central. Ensuite, ils vont reconnaître la même chose au niveau de l'atome. Ils vont toujours reconnaître des mêmes principes, le principe du positif, du négatif, du neutre, et ils vont aller chercher partout dans toutes les manifestations. Papus, par exemple, avait pris le principe du positif, du négatif et du neutre et l'avait appliqué en chimie, hein, en physique, en médecine, en sciences pures, etc. Puis il avait montré que finalement, c'est toujours le même principe que les sciences étudient, mais individualisé dans des phénomènes, dans des cas particuliers. Eh bien, ça, la méthode analogique, on peut parler contre, parce que dans l'analogie, il y a toujours des faiblesses. Hein? Une chose analogue n'est jamais identique, puis parfois c'est un petit peu tiré par les cheveux, ce que les ésotéristes, comme vous dites, font. Mais par ce mécanisme de l'esprit qu'est l'analogie, on arrive progressivement à identifier dans des phénomènes apparemment différents un même principe. Ça, c'est le type d'éducation. Et qu'on le veuille ou non, il faut passer par ce type d'éducation, qui est l'éducation très, très primitive à une science de l'analogie, à une science de la similitude, à une science des homologies et une homosophie, à la manière du docteur Lefebvre, pour en arriver ultimement à reconnaître dans nos sciences modernes, comme le docteur Lefebvre est le meilleur exemple de ça, il a découvert dans les sciences modernes, biologiques, puisque c'est un médecin, elle a découvert le principe de l'homosophie, de l'homologie, du fait que les structures sont homologues dans l'univers, partout, au niveau de la plante par rapport à l'animal, par rapport à l'homme, et ainsi de suite, au niveau du minéral, que les phases de reproduction, les phases de sommeil, etc., sont analogues dans les différents niveaux de conscience, et même par rapport à un homme et par rapport à l'univers entier. Alors, il est allé chercher des lois physiques, des lois biologiques, et il a combiné tout ça, il a prouvé dans une brique très, très intéressante, à l'époque où il était encore steinérien, d'influence ésotérique, etc., il a prouvé et d'ailleurs, il a fondé une association là-dessus, le prouver ce principe de l'homosophie. Eh bien, à mon avis, ça, c'est un des aspects de la science du Nouvel Âge. Et ça, c'est un des aspects d'une compréhension qui se veut scientifique, qui ne rejette pas le langage scientifique, puisque ces livres sont construits avec le langage scientifique moderne, non pas avec le langage traditionnel de la théologie brahmanique. Hein. Bon, c'est pas la théologie brahmanique qui nous intéresse au 20e siècle en Occident, c'est le langage scientifique. Alors, il se sert du langage scientifique, lui qui est scientifique par lui-même, et il applique le schéma interprétatif des anciens, plaqué sur cela, et il en tire une science nouvelle. Et c'est en partie le type de recherche qui pourra mener l'homme à une science vraiment intégrale des choses, qui va le rapprocher de cette universalité. Mais il faut y croire à l'universalité. Parce que si vous n'y croyez pas à l'universalité, vous n'avez pas de sens de l'universalité, d'une part, et si vous ne croyez pas à l'universalité, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, on a beau vous montrer toutes les analogies du monde, ça ne change rien. Une personne qui ne croit pas, hein, qu'on fasse toutes les démonstrations que l'on voudra, on n'arrivera à aucun résultat. Mais avant de reconnaître cette intelligence universelle à l'œuvre dans les autres, dans l'environnement, dans la nature, à l'extérieur de soi, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord la reconnaître à l'intérieur de soi? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un contact intime avec cette intelligence universelle pour avoir la certitude de son existence? C'est intéressant parce que des gens prétendent que pour voir dans le monde, à l'œuvre, l'intelligence universelle, il faut avoir vécu une expérience intime interne. Et d'autres disent que pour vivre l'expérience interne de cette réalité, il faut l'avoir vue à l'œuvre dans le monde. Tous les deux ont raison. Hein? Bon. Celui qui prend la première hypothèse, c'est le mystique. Parce que le mystique, c'est celui qui, comme Abel, reçoit de l'intelligence universelle, ce contact intérieur par la grâce de manière gratuite sans qu'il ait expérimenté. Alors lui, son premier contact dans l'univers de ce dépassement de l'insécurité, c'est par une fusion interne gratuite avec l'intelligence universelle sans qu'il ait fait le processus, si vous voulez, de l'expérimentation. C'est l'enfant. C'est celui qui est redevenu un enfant. Et dans les grades sacerdoto-initiatiques, on les appelle les enfants, justement, à un certain niveau. Alors que l'autre qui dit non, il faut l'expérimenter dans le monde et ensuite le découvrir en soi, eh bien c'est celui qui fonctionne justement par la voie de la science, de l'expérimentation. Et pour lui, véritablement, à cause de son schéma mental, c'est les fils de Caïn, c'est ceux qui ont tué Abel, hein, parce qu'ils n'ont pas supporté qu'une personne tout à coup, sans avoir rien fait, le reçoivent cette certitude de l'intelligence universelle. Or, Caïn, n'ayant pas supporté ça, évidemment, c'est un mythe, mais c'est un mythe qui explique ontologiquement ce qui se vit aujourd'hui chez chacun, c'est ça la lecture initiatique et réelle des textes bibliques. Eh bien, lorsqu'Abel tue Caïn, eh bien, c'est ce que l'on fait aujourd'hui avec la science qui tue la confiance. Alors, celui qui fonctionne par la confiance, par la foi, eh bien, c'est celui qui n'aura donc pas besoin de ces démonstrations scientifiques extérieures avant de le vivre intérieurement, parce qu'il le reçoit de par sa nature même, qui est une nature féminine réceptive de l'intelligence universelle. Et celui qui a besoin, lui, de l'expérimentation, va être obligé de passer par là. Alors, ça va le fatiguer, l'autre, il va essayer de le tuer. Mais de toute façon, on va essayer d'expérimenter à l'extérieur. Et puis, tout à coup, comme Jean Charron, il va, après de multiples expérimentations dans la vie et dans ses vies, en arriver à la conclusion qu'en lui, il y a l'esprit. Les deux arrivent au même résultat, au terme de leur expérience, de leur vécu, mais ils passent par des phases tout à fait différentes. La phase qui apparaît la plus simple, évidemment, c'est celle du mystique qui la reçoit. C'est pas évident que ce soit la plus simple. Et l'autre phase paraît extérieurement plus complexe, mais pour celui qui est dans ce schéma masculin, hein, qui n'accepte pas d'être un récepteur de l'intelligence universelle, mais qui veut la voir se concrétiser sous les propres actions de ses mains, hein, qui est vraiment une polarité masculine, qui est un être solaire par rapport à l'autre qui est un être lunaire, eh bien l'être solaire, lui, va vouloir que cette intelligence universelle fasse comme naître de son action et de son expérimentation. Et il va véritablement avoir l'impression que l'intelligence universelle est en train de naître dans son travail et qu'il collabore comme créateur à cette notion de la naissance de l'intelligence universelle. Et il va, dans ses théories, dire que l'intelligence universelle n'est pas encore venue. Que l'intelligence universelle, c'est un concept qui existe, mais qui est une projection, qui est une projection dans notre temps présent d'une réalité future. Autrement dit, que Dieu n'a pas encore été créé, pour reprendre les paroles de Bernard de Montréal. Et que c'est par l'action de nos propres mains qu'on arrive à la phénoménalisation, à la réalisation de l'intelligence universelle. Alors que l'autre, pour lui, l'intelligence universelle et son rapport avec interne, c'était le début de la chose. Alors c'est encore une explicitation de ce principe gnostique que le commencement et la fin coïncident. Pour une partie de l'humanité, le commencement, c'est cette fusion avec l'intelligence universelle. Et ensuite, ils en arrivent, mais c'est très difficile à la voir dans le monde. C'est très difficile parce que, pourquoi? Parce que ces individus sont tellement empreints de cette intériorité qu'ils ne sont pas portés à aller vers l'extérieur. Ils se retirent en ermite, ils se retirent dans leur monastère, puis ils ne voient pas le monde. Il faut un jour ou l'autre que le monastère saute, hein, ou bien que le feu prenne, quelque chose comme ça, pour qu'ils sortent dans le monde. Et puis qu'ils fassent l'expérience de voir cette intelligence dans le monde. Sinon, hein, on fait du monde une pure erreur de la création. Ces mystiques de l'intériorité sont des gens qui sont dans une illusion aussi. De croire que l'intelligence universelle ne se retrouve que dans une méditation, une contemplation ou une adoration, c'est pas ça. Bon, c'est ça dans un certain aspect. C'est pourquoi il faut tendre vers la conjonction des deux. Mais croire aussi que dans l'adoration, la contemplation, etc., l'intelligence universelle n'y est pas, c'est la bêtise de l'autre groupe qui ne la voit, lui, que dans le monde. C'est pourquoi l'action de l'homme du 20e siècle qui se conscientise, c'est d'aller vers la fusion authentique des deux courants, ce que je dis à toutes les conférences. La fusion des deux courants, on l'appelle l'adepta, où l'individu veut et vit une expérience interne de cette intelligence et aussi reconnaît cette intelligence à l'extérieur. Comme je suis, moi, d'un courant très, très occultiste, de manière intérieure, eh bien, je suis plus vers cette expérimentation de la vie, d'où on tire cette expérience de l'intelligence universelle, et puis ensuite, on fonctionne dans notre sécurité, dans notre certitude absolue. Mais mon défi personnel, c'est d'aller vers l'autre. Essayer de reconnaître que ce n'est pas seulement dans une science, dans une compréhension du monde, que peut arriver cette intelligence. Et que l'enfant est tout aussi sécure que l'adulte. Mais on pourrait dire l'enfant est trompé, est illusionné, etc. Ça, c'est quand on est dans le courant de l'adulte. Quand on est dans le courant du scientifique, j'ai la tendance, peut-être fâcheuse, mais j'ai un peu la tendance à faire ça. Alors qu'en réalité, je sais très bien que l'enfant est aussi sécure, l'enfant est aussi épanoui que l'adulte. Mais il est épanoui et sécurisé dans un mode d'appréhension de cette universalité qui est différente. Un contact avec l'esprit, est-ce que ça ne doit pas se vérifier par un changement significatif, radical, une espèce de mutation dans notre vie? Est-ce que ce ne serait pas la preuve ou la vérification du contact avec cette intelligence universelle? Bon, ça dépend de ce qu'on entend par changement. Hein. Quel serait-il ce changement, justement? Ouais. Moi, je crois, si on prend des termes connus là, là-dessus... Puis qu'on dit, par exemple, que le contact avec l'esprit sera l'initiation. Je croirais, moi, qu'avant l'initiation, il faut boire de l'eau au bûcher du bois. Et après l'initiation, boire de l'eau au bûcher du bois. C'est-à-dire que, exotériquement, je ne crois pas que ça change véritablement quelqu'un. Sur le plan de sa relation à l'esprit, ça change quelque chose. C'est-à-dire que l'individu passe d'une croyance à une foi, d'un savoir à une connaissance. Ce qu'il avait comme croyance de départ, ce qu'il avait comme savoir, les choses qu'il avait expérimentées, qu'il avait vues, qu'il avait reconnues comme vraies par son expérimentation, passe à un autre niveau. Et il passe d'un savoir qui est toujours exposé à la contradiction, d'une croyance qui peut s'avérer du jour au lendemain fausse, il passe à une foi ou à une croyance ontologique, c'est la même chose. Je serais mieux ici de dire croyance ontologique, et à une connaissance qui est totalement transcendante et totalement absolue, certaine. Alors, l'expérience, elle est à un niveau psychologique interne. Ce qui fait que l'individu, par la suite, va continuer à vivre dans le monde, sauf qu'il va reconnaître ce qui, dans ce monde, n'est pas de ce monde, hein, mais est de ce principe de l'universalité. Alors, c'est seulement dans cette reconnaissance. Bon, évidemment, ça va le porter peut-être à poser des gestes qui sont un peu différents. Ça va peut-être on va peut-être sentir chez cet individu qu'il y a cette certitude. On va peut-être sentir que d'un individu qui, autrefois, s'interrogeait, il y a maintenant un individu qui se donne des réponses. Ça va peut-être ça, la différence. Bon. Hein? Quand j'ouvre une bouteille de Beauvril, je vois qu'il y a du bœuf dedans. Et quand j'écoute Raphaël Payeur, je vois qu'il y a de l'esprit dedans. Par ses paroles, donc le logos, le verbe, est-ce que ce ne serait pas significatif justement de cette mutation, de ce contact avec l'esprit? J'aurais aimé mieux l'analogie avec le Beauvril aux légumes. Mais en fait, si vous avez choisi le bœuf, c'est votre liberté, hein? Votre libre-arbitre. C'est ça que ça fait le libre-arbitre d'ailleurs. Il ne faut pas se fier aux apparences, encore une fois. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'en regardant un individu, on puisse dire « En cet individu, c'est réaliser l'intelligence universelle. » Mais dans l'expression de sa parole, il y a quand même la manifestation d'un contact qui est un registre hors du commun. Dans l'expression de sa parole, 23 ans. Il peut y avoir cela ou il peut y avoir une comédie. Difficile de la jouer, la comédie. Il y a quand même du monde qui sont capables de prendre une mesure de votre esprit sans pouvoir l'englober, mais d'en avoir une mesure, quoi qu'il n'y ait pas d'échelle de mesure. C'est à ça que je veux en venir. C'est-à-dire que... C'est laissé à notre appréciation, évidemment. Pour reconnaître l'intelligence universelle chez un individu, ou dans un phénomène, ou dans une institution, ou dans quelque chose, il faut soi-même avoir atteint ce degré de fusion avec l'intelligence universelle. On ne peut pas reconnaître qu'un homme est sous la réalisation parfaite de l'intelligence universelle ou la réalisation d'un certain degré de l'intelligence universelle sans soi-même avoir atteint ce degré. C'est ça qu'on disait autrefois lorsqu'on disait que dans les sociétés de formation, il y avait des secrets. Il n'y a jamais eu de secret, il n'y a jamais eu des choses, des bouts de papier qu'on cachait. Bon, il y en a eu, c'était des déviations, mais il n'y a jamais eu des choses comme ça qu'on cachait. Pour pas le montrer ou qu'on aurait pu montrer. Les secrets, c'était des choses auxquelles l'homme ne pouvait pas avoir accès, de par son degré de conscience. Alors, si vous êtes à un certain niveau de conscience, vous ne pouvez pas reconnaître supérieur à cela chez d'autres. Hein? Vous pouvez penser, vous pouvez croire que chez un autre s'exprime quelque chose de plus, mais je vous ferai remarquer que c'est très, très, très dangereux de penser des choses comme celle-là. Les preuves sont multiples du fait de tous ces maîtres, gourous et etc. qui naissent sur la planète actuellement, qui ont une certaine éloquence parce qu'ils ont un mercure bien placé dans leur thème astrologique. Ils ont une certaine éloquence, ils ont une facilité de manipuler des concepts, ils sont capables de faire des choses, même ils sont capables de faire des choses psychiques qui impressionnent les faibles, mais qui sont pas du tout à un niveau de l'intelligence universelle, qui sont un amas égocentrique d'énergie psychique, d'énergie astrale, qu'ils manipulent avec une certaine habilité. Vous voulez dire que l'intelligence ne garantit pas la valeur effective d'un homme pour l'humanité, au niveau du service? En plus, c'est-à-dire que au niveau d'un individu, peut se manifester l'intelligence universelle à un certain degré, ce qui représente sa fonction. Bon, prends l'exemple de tout à l'heure, fonction d'instructeur, fonction de transmettre des données en conférence. Ça, c'est une fonction. Ça, on peut dire qu'il y a une intelligence universelle qui garantit une fonction chez quelqu'un, mais il ne garantit pas la forme de ce quelqu'un. De telle sorte que ce quelqu'un-là peut faire des choses qui sont bien, et puis, au niveau de sa propre personnalité, faire des choses qui sont tout à fait disharmoniques. Hein? C'est comme notre curé tout à l'heure. Notre curé, il peut se saouler parce qu'il est devenu alcoolique. Et puis, quand même, lorsqu'il fait certaines choses, être dans l'énergie de cette force d'universalité. Et c'est dans l'universalité qu'il faut lui reconnaître quelque chose si on veut lui reconnaître quelque chose, mais pas dans la personnalité. Alors, c'est de la même manière, l'intelligence universelle s'exprime en tous les hommes. Hein, et elle s'exprime selon À Sherbrooke, j'aurais dit des charismes. Qu'est-ce que je pourrais bien dire à Montréal? Selon des modes ou des mécanismes différents. Alors, chez un individu, l'intelligence universelle va s'exprimer au niveau de la voyance à long terme. de la prémonition. Pas une prémonition à la Michel de Notre-Dame, mais une prémonition, par exemple, de type prévoyance. Alors, quelqu'un qui va être capable de prévoir les choses, de bâtir un projet, de voir au bout de 6 mois, 1 an, ce qui devrait arriver. Bon, l'intelligence va se manifester en lui comme ça. Un autre individu, ça va être dans la mise sur pied de projets, dans l'esprit d'initiative. Un autre, ça va être dans la connaissance, dans la manifestation de connaissance. Un autre, dans la manifestation de la guérison. Un autre, sa simple présence ou son imposition. Lorsqu'il arrive dans une pièce, va transmuter tout ce qui est négatif, les infirmes vont se lever debout, ainsi de suite. Bon. Mais c'est toujours la même intelligence universelle, mais qui s'exprime chez chacun selon une modalité particulière, parce que chacun a une fonction particulière, parce qu'un individu est une cellule du foie cosmique, un autre individu est une cellule du cœur cosmique, l'autre individu est un neurone du cosmique. Hein? Bon. Alors, chacun accepte d'être un neurone, d'être une cellule de foie, d'être une cellule de rein et de manifester cette intelligence universelle à son niveau, telle sorte que l'intelligence universelle, elle se manifeste pas seulement dans les professions libérales ou elle se manifeste pas seulement dans des grandes élaborations métaphysiques, mais elle va se manifester aussi chez la personne qui va faire des vers. Hein? La personne qui fait un vers est aussi dans le flux de l'intelligence universelle que celui qui bâtit une grande théorie métaphysique et une science ontologique du verre. Sauf qu'il y a des gens sur Terre qui ont comme fonction de faire une science ontologique du verre, puis il y en a d'autres qui ont une fonction de faire le verre, puis il y en a d'autres qui ont une fonction de ramasser le sable pour faire le verre. Hein? Et tout cela, c'est une manifestation de l'intelligence universelle. Alors, on ne peut pas dire... Comme certains voudraient le faire, le royaume, il est dans les eaux ou il est dans les airs, parce qu'alors, les oiseaux, ils seraient avant, les poissons, ils seraient avant. On ne peut pas dire l'intelligence universelle, elle est dans les conférenciers ou elle est dans les fondateurs de centres d'universalité ou dans les intervieweurs. Parce que, alors, l'intelligence universelle serait limitée. Non, l'intelligence universelle, elle est partout. Elle est au-dedans et elle est au-dehors. Hein? Et à ce moment-là... On ne la localise pas, parce que si on la localise, on croit qu'on la reconnaît. Mais en fait, on ne la reconnaît pas du tout. Et on lui nie même l'existence en la localisant chez quelqu'un dans un endroit particulier. On peut la reconnaître dans un endroit, mais en se disant qu'elle n'est qu'une facette de l'universalité, justement, qu'elle est de par essence universelle. Et dire qu'elle s'est exprimée davantage à un endroit, c'est de lui nier sa propre réalité qui est celle d'être universelle. J'aurais aimé, pour terminer au moins cette première partie, que vous nous faisiez part de votre conception de l'ajusteur de pensée, un concept qui est également universel, puisqu'on en retrouve des traces aux Indes, chez les Chinois, chez les anciens Égyptiens, dans la religion chrétienne, un peu dans toutes les religions. Et en tant un peu que médiateur entre Dieu et l'homme, et qui opère ce contact-là entre l'ego et l'esprit. Les ajusteurs de pensée, c'est intéressant parce que je l'ai appris cette semaine, parce que je suis en train de terminer un livre sur le... J'écrivais mon livre sur le messager de l'invisible, puis j'ai appris des choses sur l'ajusteur de pensée. C'était pour ce soir, sûrement. Alors, l'ajusteur de pensée, les ajusteurs de pensée viennent de ce qu'on appelle dans la tradition kabbalistique Da'at, c'est-à-dire une séphira invisible, c'est-à-dire un plan d'énergie, une sphère vibratoire invisible à nos yeux, qui se situe dans le système solaire et qui est une espèce d'orbe supérieur du Soleil. Alors, on a le Soleil qui, pour nous, dans notre mentalité, est un peu la représentation de la lumière, de la divinité, de ces choses-là. Il y a un orbe invisible tout autour du Soleil qui est d'un violet très pur et qui apparaît seulement aux gens qui sont rendus à un certain niveau de conscience. Et dans cette sphère énergétique, il y a des forces que les religions, par exemple, anciennes ont appelées Raphaël, Gabriel, Michel et Uriel, les 4 grands archanges des points cardinaux. Alors, il y a ces forces auxquelles on a donné des limitations, des formes, des apparences, Saint-Raphaël, etc., qui sont en fait des forces, des principes énergétiques dans cette orbe supérieure du Soleil. Et c'est de ces 4 puissances, de ces 4 forces, qu'émanent ce qu'on appelle les ajusteurs de pensée. Les ajusteurs de pensée sont des pures émanations énergétiques de ce principe de ces quatre grands archanges recteurs de Da'at, qui sont quoi, en fait? Qui sont le principe de l'incarnation dans l'univers de notre système solaire, de l'incréé. C'est de l'esprit pur. C'est de l'esprit, si vous voulez, et c'est surtout de l'esprit à un niveau très particulier, qui est celui de l'incarnation. Ils sont quatre. Hein? Bon, Uriel est oublié par l'Église, mais ils oublient beaucoup de choses. Alors, ils sont quatre de ces archanges, et ces quatre grands archanges représentent le nombre quatre en numérologie, etc. Ils sont... C'est pas intéressant qu'ils sont par eux-mêmes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a ces quatre grands piliers vibratoires qui sont justement le pont entre l'incréé Keter, bon, des kabbalistes, le Dieu incréé, et puis le monde matériel visible. Alors, entre le visible et l'invisible, entre l'incréé, l'indifférencié, le trône de Keter et Malkuth, notre royaume, là où on existe, il y a ce plan énergétique dont on peut pas dire grand-chose, sauf ceci, qu'il est le plan de l'incarnation de l'incréé. Et lorsque l'incréé s'incarne, il passe à travers ce plan, et le fait qu'il passe à travers ce plan génère ou émane ce qu'on appelle les ajusteurs de pensée. Alors, les ajusteurs de pensée sont une énergie qui vient de cette sphère, de cet orbe invisible du soleil, et qui, lorsqu'elle pénètre dans les plans inférieurs de la conscience, entraîne chez l'homme une réaction qui est à peu près celle de la pyramide. La pyramide qui prend un principe 1 et qui le phénoménalise sur le plan matériel, les quatre dimensions. Alors, l'ajusteur de pensée agit chez l'homme de la même manière, en rendant, si on veut, concret au niveau des structures psychologiques de l'homme, l'existence de cette intelligence universelle ou l'existence de ce principe de l'incréé. Alors, ils sont donc esprit pur, si l'on veut, mais encore plus que cela, ils sont amour, puisque par effusion, ils acceptent de partager la vie d'un mortel. Ils sont amour et intelligence. Les kabbalistes vous diraient, union entre Hokma, amour-sagesse, et Bina, l'intelligence active. Ils sont, si vous voulez le comparer avec notre système religieux, ils sont la combinaison de Christ et du Paraclète. C'est-à-dire de l'énergie d'amour et de l'énergie du paraclète du Saint-Esprit, qui est la force de la loi. Les ajusteurs de pensée ne sont pas plus amour et gratuité que mécanisme de la loi et principe de la causalité. Ils sont une juste fusion entre, et il y a des manières de les contacter, et travailler avec eux dans cette option, dans ce concept, qui sont cette juste fusion entre le principe de l'amour, de la gratuité dans le monde et le principe de la loi, de la causalité dans le monde. Alors, l'ajusteur de pensée, lorsqu'il se manifeste donc en s'unissant, comme vous le voulez, comme vous venez de le dire, avec un être humain, amène en cet être humain la fusion de la colonne de gauche et de la colonne de droite. Amène en cet être humain la fusion entre l'amour qu'il a pu manifester dans sa vie sans discernement, hein, en donnant comme ça, en se donnant et en donnant tout ce qu'il avait sans juger intelligemment de son don, c'est le malheur de certains spiritualistes, et permet aussi à celui qui ne donnait rien, mais qui disait « toi, tu ne l'as pas mérité, tu ne l'auras pas », de se dire « oui, il y a autre chose, il y a un dépassement de ça ». Alors, lorsque l'ajusteur de pensée fusionne à un certain niveau avec l'homme, il permet la réalisation en l'homme de ce principe qui fait que l'homme n'est plus cet amoureux sans discernement spiritualiste, et n'est plus non plus cette espèce d'être froid qui est issu de la science de la raison, mais il est une juste combinaison entre la raison et l'amour. Alors, c'est ce que l'ajusteur de pensée amène à l'intérieur d'un individu. Et comme il est lié de par le fait qu'il est émané de ce plan de Da'at à cette sphère de l'invisibilité dans l'univers, qui représente donc le principe de l'incréé, bien lorsqu'il fusionne avec un homme, l'homme en arrive éventuellement à vivre justement pleinement cette expérience dont on a parlé durant toute la conférence. C'est-à-dire qu'il arrive éventuellement à réaliser en lui qu'il a fusion avec la dimension de la connaissance et la dimension de la foi, et que pour lui, il n'y a plus rien qui soit incertain, et que pour lui, il n'y a plus rien qui soit un principe d'insécurité ou une cause d'insécurité. Il est dans la providence, il est dans l'intelligence de l'intelligence cosmique. Et à ce moment-là, il n'y a plus pour lui aucune source extérieure qui peut le dévier, si on veut de cette voie. Alors, l'ajusteur de pensée, c'est quelque chose d'important. Souvent, je dis que c'est un peu banal et parce qu'on dit tellement de choses sur les ajusteurs de pensée. Mais c'est important. Lorsque le temps est venu qu'un homme fasse l'expérience d'ajusteur de pensée, il le fait. Vous allez peut-être rire, mais Jeanne d'Arc a vécu la fusion avec l'ajusteur de pensée. Et lorsque Jeanne d'Arc a vécu la fusion avec l'ajusteur de pensée, elle a dialogué avec un être, comme ceux qui entrent en fusion avec l'ajusteur de pensée dialoguent avec un être dans les premières phases de l'expérimentation, et a dialogué avec un être qu'elle a appelé Saint-Michel-Archange. C'était pas Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange n'existe pas avec ses ailes, tout ça, même si on a des plumes de l'ange de l'Annonciation. Mais c'était pas Saint-Michel-Archange, donc en tant que concept religieux qu'on connaît. Bon, il est passé à travers ça, c'est sûr. Mais Jeanne d'Arc, ce qu'elle a rencontré, c'est l'ajusteur de pensée qui fait partie du quadrant de Saint-Michel-Archange, si vous voulez. Et Jeanne d'Arc est une femme dans l'histoire, puisqu'il faut bien nommer parfois des femmes, hein, c'est une femme qui, dans l'histoire de l'humanité, a été une fusionnée. Et vous savez où ça l'a conduit, sa fusion? Sur le bûcher. Au bûcher. Et l'évêque en question, c'était l'évêque... Cochon. Eh oui. Ouais, c'est difficile de terminer là-dessus, mais c'est la réalité de l'histoire. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, il me semble qu'on a dépassé notre temps habituel d'une heure. On a commencé à quelle heure? Il y a eu 9h15, habituellement. Il me semble que ça a été dépassé. En tout cas, on va faire une pause de 20 minutes. Mm-hmm. Et on revient en votre compagnie pour la deuxième période et vos questions. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos questions ici sur la petite table, s'il vous plaît. C'est très intéressant le concept de l'ajusteur de pensée.